Doux frémissement. Il s'agit de jouer mon rôle, pas un mot car dès ce moment, je n'ai droit qu'au bourdonnement. Je n'ai droit qu'au bourdonnement. La touche, chantons ma chanson. Ah, la belle mouche, rejolie, fredon. Belle cette allèle dorée, veux-tu rester mon compagnon? Lieu dont tu forces à l'entrée, hélas me servent de prison. Ne me quitte pas, je t'en prie, reste pour prendre bien soin de toi. Reste avec moi, je t'aimerai, mouche jolie. Quand on veut se faire adorer, il faut se laisser désirer. Je la tiens par son aile d'or. Pas encore, pas encore. Je la tiens par son aile d'or. Pas encore, pas encore. Fille la méchante, la méchante, la méchante. J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante. Fille la méchante, la méchante, la méchante. J'ai pris des ailes, ma charmante, ma charmante. J'ai bien le choix de m'en servir. Attention, attention. Ne me prise, plus de résistance. Ne me prise. La plus prise d'aide n'est pas celle qu'on pense. La plus prise d'aide n'est pas celle qu'on pense. Chante, chante. et le bas compte. Mortelle et bulle de Vénus, chante-nous de ta voix charmante, chante-nous ton hymne à Bacchus. Thank you. tournera pas. Sur sa curiosité, on les jeune donc on va compter. Nous triomphons, à quelle joie! À quelle joie! Il ne tourne pas, tant pis, tant pis, je le foudroie! Perdu et pour jamais, elle ne me reste donc pas plus qu'à moi. Comment? Non, car j'en fais une bâton.